Une tranche de beefsteak de Jack London. Première partie. L'état maudit de Jack London. Avec son dernier morceau de pain, Tom King essuya sur son assiette les moindres traces de sauce blanche et mâcha cette ultime bouchée lentement et d'un air préoccupé. Il se leva de table avec la sensation d'avoir encore faim. Pourtant, lui seul avait mangé. Dans la chambre voisine, on avait fait coucher de bonne heure les enfants avec l'espoir que le sommeil leur ferait oublier l'absence de souper. Sa femme n'avait rien avalé non plus. Assise en silence, elle fixait sur lui des regards inquiets. C'était une pauvre créature de la classe ouvrière, maigre et usée. Et cependant, son visage conservait maintes traces de sa gentillesse de jadis. Elle avait dépensé ses derniers sous à acheter du pain et emprunté à une voisine de quoi faire la sauce. L'homme s'assit près de la fenêtre sur une chaise branlante qui gémit sous son poids, puis porta machinalement sa pipe à la bouche et une main à la poche de son veston. Le manque de tabac lui rappela la futilité de ce geste, et fronçant le sourcil, il mit la pipe de côté. Ses mouvements lents et en quelque sorte massifs paraissaient alourdis par l'hypertrophie de ses muscles. Ses vêtements d'étoffe grossière étaient vieux et déformés. Les empeignes de ses chaussures paraissaient trop faibles pour supporter le ressemelage épais qui lui-même ne datait pas d'hier. Et sa chemise de coton, un article à bon marché, montrait un col éraillé des taches de peinture indélébiles. Mais ce qui décelait sans erreur possible le genre d'occupation de Tom King, c'était son visage. Un visage de boxeur professionnel, d'homme qui, au cours de longues années de service sur le ring carré, a développé et accentué toutes les marques de la bête de combat, visage rasé de près, comme pour mieux laisser voir ses traits nettement menaçants. Les lèvres informes constituaient une bouche rudimentaire à l'excès, pareille à une balafre. La mâchoire était agressive, brutale et massive. Les yeux, aux mouvements lents et aux pesantes paupières, presque dépourvus d'expression sous des sourcils en broussailles et toujours froncés, représentaient peut-être la caractéristique la plus bestiale de cet être brutal de la tête aux pieds. Des yeux endormis, léonins, des yeux d'animal agressif. Le front obliqué court vers une chevelure tondue et laissant voir toutes les bosses d'une mauvaise tête. Un nez cassé en deux endroits et déformé par d'innombrables coups de poing et une oreille pareille à un chou-fleur, toujours enflé et détendu au double de sa dimension naturelle, complétait le portrait, tandis que la barbe rasée pourtant de frais pointait sous la peau et communiquait à tout le visage une teinte d'un noir bleuâtre. En résumé, c'était la physionomie d'un de ces hommes qu'on ne se soucie guère de rencontrer dans une ruelle sombre ou un lieu écarté. Pourtant, Tom King n'était pas un malfaiteur et n'avait jamais commis la moindre action criminelle. À part quelques rixes assez ordinaires dans son milieu social, il n'avait jamais fait de mal à une mouche. Et jamais on ne l'avait vu chercher noise à quiconque. Boxeur professionnel, il réservait toute sa brutalité pour ses apparitions en public. En dehors du ring, c'était un homme paisible et de bon caractère, un peu trop enclin dans sa jeunesse à ouvrir sa bourse, alors bien garnie. Sans rancune, il ne se connaissait guère d'ennemis. La bataille représentait pour lui une affaire. Sur le ring, il frappait pour faire mal, pour paralyser, pour détruire, mais sans animosité, dans un but purement professionnel. Des foules de gens s'assemblaient pour voir des hommes se mettre mutuellement hors de combat. Le gagnant empochait la majeure partie des enjeux. Lorsque, voilà 20 ans, Tom King s'était rencontré avec Polumulu l'esquive, il savait que la mâchoire de celui-ci n'était guérie que depuis 4 mois, après avoir été brisée dans un assaut à Newcastle. Orientant sa tactique d'après ce renseignement, il avait brisé de nouveau cette mâchoire à la 9e reprise, non qu'il entretint la moindre cruauté contre l'esquive, mais parce que c'était le seul moyen de venir à bout de lui et de gagner la forte somme. Et le vaincu ne lui en voulut pas le moins du monde. C'était la règle du jeu. Tous deux la connaissaient et l'observaient. King, peu bavard de sa nature, demeurait près de la fenêtre dans un morne silence et regardait ses mains. Il contemplait les veines en saillie grosses et gonflées et les jointures démolies, déformées, attestant la besogne accomplie par elles. Il ignorait l'aphorisme d'après lequel la vie d'un homme est celle de ses artères. Mais il comprenait bien le sens de ces grosses veines en relief. Son cœur y avait envoyé trop de sang sous la pression maximum. Elle ne remplissait plus leur office. Il avait forcé leur élasticité, son endurance s'était relâchée en proportion de cette détente. Maintenant, il se fatiguait facilement. Il ne pouvait plus faire une série de 20 reprises, coup sur coup, en avalanche, se battant d'un son de gong à l'autre, recouvrant ses forces en touchant terre, acculé aux cordes et éjaculant l'adversaire, et reprenant toute sa vigueur en cette 20e et dernière reprise, où devant toute la salle, debout et hurlante, lui-même se précipitait, frappait, esquivait, faisait pleuvoir une grêle de coups, et en encaissait lui-même une averse, cependant que son cœur refoulait fidèlement le sang dans ses artères et le pompait dans ses veines. Celle-ci, alors gonflée pendant l'effort, se rétrécissait toujours ensuite, mais jamais tout à fait. Chaque fois, de façon imperceptible, elle demeurait un peu grosse. Il examinait fixement ses mains, et un instant, il crut les revoir dans toute leur jeune splendeur, avant que sa première jointure se fût brisée sur la tête de Benny Jones, surnommée la terreur du Pays de Galles. Il éprouva de nouveau une sensation de faim non satisfaite. Bon sens que je mangerais volontiers un morceau de beefsteak. J'ai essayé chez Burke et chez Soleil. Et n'ont pas voulu te faire crédit? Pas d'un centime, a déclaré Burke. Ben continue, qu'a-t-il dit? Il m'a dit qu'à son avis, Sandel te battrait ce soir et que nous lui devions déjà une somme rondelette. Tom King grogna, mais ne répondit point. Il songeait à certains bull terriers que dans sa jeunesse il avait nourri de beefsteak pendant un temps considérable. En ce temps-là, Burke lui aurait fait crédit pour un millier de beefsteak. Mais les temps étaient changés. Tom King devenait vieux. Et les vieux boxeurs qui font assaut dans les clubs de second ordre ne peuvent s'attendre à de gros crédits de la part des commerçants. Il s'était éveillé ce matin-là avec le désir d'un morceau de beefsteak. Et ce désir persistait. Il n'avait pu s'entraîner comme il faut pour le combat actuel. La sécheresse régnait cette année en Australie. Par ces temps durs, le travail, même le plus irrégulier, était difficile à dénicher. Il ne pouvait se payer un entraîneur et sa nourriture n'était pas toujours fameuse ni suffisante. Il avait pu trouver pendant quelques jours une place de manœuvre et le matin de bonne heure, il faisait au pas gymnastique le tour du domaine pour se mettre les jambes en forme. Mais il est malaisé de s'entraîner tout seul et d'avoir une femme et deux mioches à nourrir. Son crédit chez les fournisseurs ne s'améliora guère quand on apprit qu'il aurait Sandel pour adversaire. Le secrétaire du club de la gaieté lui avait avancé 3 livres, le dédommagement du perdant, et pas un penny de plus. De temps à autre, il avait pu emprunter quelques shillings à de vieux camarades qui lui auraient volontiers avancé davantage, mais eux-mêmes souffraient de la gêne occasionnée par le chômage dû à la sécheresse. Non, et inutile de se dorer la pilule, son entraînement n'avait pas été suffisant. Il lui aurait fallu une meilleure nourriture et moins de soucis. En outre, il est plus ardu de se mettre en forme à 40 ans qu'à 20. Quelle heure est-il, Lizzie? Sa femme traversa le vestibule pour aller s'en informer et revint. 8h moins le quart. Le premier assaut va commencer dans quelques minutes pour un simple match d'essai. Puis viendra un assaut en 4 reprises entre Bill West et Gridley, suivi d'un autre en 10 reprises entre Starlight et un matelot. Ben, mon tour n'arrivera que dans une bonne heure d'ici. Au bout de 10 autres minutes de silence, il se leva. Le fait est, Lizzie, que je n'ai pas eu l'entraînement qu'il faudrait. Il mit son chapeau et marcha vers la porte. Il ne lui demanda pas de l'embrasser. Il ne le faisait jamais en s'en allant. Mais ce soir, elle prit l'initiative, lui jetant ses bras autour du cou et l'obligeant à se pencher vers elle. Elle semblait toute menue à côté de ce colosse. Bonne chance, Tom. Fais-lui son affaire, il le faut. Oui, il faut que je lui fasse son affaire, voilà tout. Il faut que je lui règle son compte. Il éclata d'un rire forcé tandis qu'elle se serrait contre lui. Par-dessus ses épaules, il parcourut du regard la chambre nue. Voilà tout ce qu'il possédait au monde, avec le loyer en retard, sa femme et les gosses à nourrir. quitter tout cela pour aller dans la nuit chercher la pâture pour la femelle et les petits. Non pas comme un travailleur moderne se rendant à sa besogne mécanique, mais à la façon antique et primitive, à la mode royale et animale, en se battant pour la conquérir. Il avait 2 bons kilomètres à parcourir pour arriver à la gaieté, et en cheminant, il se souvenait que dans ses jours de gloire, quand il était champion des poids lourds pour la Nouvelle-Galles du Sud, il serait allé au combat en voiture, accompagné sans doute par quelques groupes arrières qui auraient payé la course. Voyez Tommy Burns et ce nègre Yankee, Jack Johnson. Il roulait en automobile, et lui allait à pied. Tout le monde sait qu'une marche de 2 kilomètres n'est pas une fameuse préparation pour un combat. Il se sentait vieux, et les patrons ne s'arrangent pas très bien avec les vieux. Il était plus bon à rien qu'à du travail de manœuvre, et même là-dedans, son nez brisé et son oreille enflée militaient contre lui. Il se surprit à regretter de n'avoir pas appris un métier. Mais cela valait mieux, au bout du compte. Mais personne ne l'avait prévenu, et tout au fond du cœur, il sentait qu'il n'eût pas suivi les conseils de ce genre. C'était si simple. De grosses sommes à gagner, des combats rapides et glorieux coupés par des périodes de repos et de flânerie. Toute une suite d'admirateurs empressés tapent sur le dos, poignée de main, gens heureux de lui offrir un verre pour avoir le privilège de causer 5 minutes avec lui. Et par-dessus tout, la gloire, les salles en folie, le tourbillon final, l'annonce de l'arbitre. King est gagnant. Et son nom dans les journaux du lendemain. C'était le bon temps. Mais il comprenait maintenant, à sa façon lente de ruminant, qu'en cette époque-là, lui-même avait mis les vieux au rancard. Lui-même représentait alors la jeunesse et l'aurore, eux l'âge et le couchant. Rien d'étonnant qu'il trouvât facile de vaincre ces hommes aux veines enflées, aux jointures abîmées, aux os fatigués par les longues batailles déjà soutenues. Il évoqua le jour où il avait mis hors de combat Stauschobil à Butch Carter's Bay, à la 18e reprise, et comment le pauvre vieux s'était mis à pleurer comme un gosse dans le vestiaire. Peut-être celui-là aussi se trouvait-il en retard pour son loyer. Peut-être une femme et des enfants l'attendaient-ils à la maison. Peut-être Bill lui-même, ce jour-là, eut-il mangé avec plaisir un morceau de beefsteak. Bill s'était battu superbement et avait encaissé une pénible raclée. Maintenant, par expérience personnelle, il se rendait compte qu'en cette soirée de 20 ans auparavant, Stauschobil se battait pour quelque chose de plus sérieux que ce jeune Tom King, ambitieux simplement de gloire et d'argent de poche. Rien d'étonnant que Bill pleurait ensuite au vestiaire. On l'avait opposé aux anciens, et il les avait mis hors de combat l'un après l'autre, riant quand, comme Stauscher, il pleurait au vestiaire. Et voici qu'il était un ancien, et qu'on lui opposait les jeunes. Par exemple, ce type de Sandel, arrivant de la Nouvelle-Zélande avec une célébrité derrière lui. Mais personne en Australie ne savait rien sur son compte. C'est pourquoi on lui opposait le vieux Tom King. Si Sandel se montrait à la hauteur, on lui présenterait ensuite de meilleurs adversaires avec des prix plus élevés à remporter. On pouvait donc s'attendre à le voir se battre de son mieux. Il avait tout à y gagner, argent, gloire et carrière. Et Tom King représentait la pierre d'achoppement à l'entrée de la route conduisant à la gloire et à la fortune, mais lui-même n'avait à gagner que 30 livres, destinés à payer propriétaires et fournisseurs. À force de réflexion pareille, Tom King en arriva, chose bizarre, à entrevoir une vision de la jeunesse, se dressant magnifique, triomphante, invincible avec ses muscles souples et sa peau soyeuse, avec son cœur et ses poumons jamais fatigués ni déchirés, et se riant des limites de l'effort. Oui, la jeunesse prenait forme de némésis. Elle démolissait les vieux sans songer qu'en agissant ainsi, elle se détruisait elle-même. L'effort lui élargissait les artères et lui brisait les jointures, et son tour venait d'être annihilé par la jeunesse. Car la jeunesse est toujours jeune. Il n'y a que l'âge qui vieillisse. Arrivé à Castlereagh Street, il tourna à gauche, et à 3 pâtés de maison plus loin, il s'arrêta devant la Gaîté, Une bande de jeunes schnappants flânant à la porte s'écarta respectueusement sur son passage et il entendit l'un d'eux dire à un camarade « Et c'est lui, c'est Tom King !» À l'intérieur, comme il se dirigeait vers le vestiaire, il croisa un jeune homme à l'œil vif et de mine éveillée qui lui serra la main. « Comment vous sentez-vous, Tom ?»« En excellente disposition. » répondit King avec la conscience qu'il mentait et que s'il eût possédé une livre, il l'aurait donnée tout de suite pour un bon morceau de beefsteak. Lorsqu'il sortit du vestiaire, suivi de ses seconds, il parcourut le bas-côté pour gagner le ring carré au centre de la salle. La foule l'accueillit par une salve d'applaudissements. Il répondit aux saluts de droite et de gauche, bien que peu de ses visages lui fussent connus. La plupart étaient des blancs-becs qui n'étaient pas encore au monde lorsqu'il remportait ses premiers succès. Il sauta légèrement sur la plateforme et se glissa entre les cordes jusqu'à son coin où il s'assit sur un pliant. Jack Ball, l'arbitre, arriva, lui serra la main. C'était un pugiliste démoli qui, depuis plus de 10 ans, n'était pas monté sur le ring pour son propre compte. King se sentit heureux de l'avoir pour arbitre. Tous deux étaient des anciens. S'il malmenait Sandel en outrepassant un peu le règlement, il pouvait compter sur Ball pour ne pas en souffler mot. Tom King regarda du côté de la loge et des journalistes et fit un signe de reconnaissance à Morgan du Sportsman et à Corbett du Referee. Puis il leva les mains pendant que Sid Sullivan et Charlie Bates, ses seconds, lui passaient ses gants et les attachaient, surveillés de près par un des seconds de Sandel qui avait commencé par examiner minutieusement les petites bandes de toile enroulées autour des jointures de King. Un de ses propres seconds, dans le coin de Sandel, remplissait le même office. Sandel ainsi fut débarrassé de son pantalon, puis debout fut dépouillé de son maillot par-dessus la tête. Tom King put contempler alors la jeunesse incarnée. Une poitrine vaste aux muscles énormes glissant comme des bielles vivantes sous la peau blanche et satinée. Tout ce corps fourmillait de vie. Et cette vie, Tom King s'en rendait compte, n'avait rien perdu de sa fraîcheur au cours de ses combats prolongés où la jeunesse paye son tribut et s'en retourne un peu moins jeune qu'en entrant. Les deux hommes s'avancèrent au-devant l'un de l'autre, et au moment où le gong résonnait, et où les seconds dédringolaient de la plateforme avec leurs pliants, ils se serrèrent la main et prirent aussitôt leur attitude de combat. Instantanément, tel un mécanisme d'acier de ressort équilibré sur une détente infiniment sensible, Sandel se mit à avancer, reculer et rebondir, logeant un coup du gauche aux yeux, un coup du droit aux côtes, esquivant une riposte, se dérobant dans une danse légère et revenant dans une danse menaçante. C'était une démonstration éblouissante, et le public hurla son approbation. Mais King n'était pas ébloui. Il avait soutenu trop de combats et contre trop de jeunes pour ne pas apprécier à leur juste valeur ses coups trop rapides et trop adroits pour être dangereux. Évidemment, Sandel voulait précipiter les événements dès le début. Il fallait s'y attendre. C'était la manière de la jeunesse, avide, de dépenser sa valeur superbe en folle révolte et furieuse attaque. D'accabler l'adversaire sous sa force glorieuse et son désir sans limite. Sandel avançait et reculait, surgissait à droite, survenait à gauche, léger de jambes et ardent de cœur, miracle vivant de chair blanche et de muscles offensifs, s'échappant et bondissant comme une navette, accomplissant entre deux mouvements toute une série de gestes intermédiaires combinés en vue de démolir Tom King, cet obstacle interposé entre lui et la fortune. Et Tom King, avec patience, endurait tout cela. Il connaissait son affaire et comprenait la jeunesse maintenant qu'elle ne lui appartenait plus. Rien à faire avant que l'autre eût perdu un peu de vapeur, pensait-il. Et il sourit en lui-même en se baissant exprès pour recevoir sur le crâne un coup lourdement asséné. C'était une malice, mais parfaitement conforme aux règles du jeu, au boxeur de prendre soin de ses jointures, et s'il s'obstine à frapper l'adversaire sur le sommet de la tête, c'est à ses risques et périls. La première partie de l'assaut fut tout à l'honneur de Sandel, qui souleva l'enthousiasme du public par la rapidité de ses attaques en tourbillon. Il écrasa King d'une avalanche de coups que l'autre encaissa sans sourciller, sans frapper une seule fois, se contentant de se couvrir, de parer, de se baisser ou de se coller encore à corps pour esquiver les horizons. De temps à autre, il faisait des feintes, secouait la tête quand un coup portait de tout son poids et n'accomplissait que des mouvements lourds, sans élan ni bond, sans perdre un atome de force. Sa discrétion d'homme mûr l'avertissait qu'il fallait laisser mousser cette jeunesse avant de rendre coup pour coup. Tous les mouvements de King étaient lents et méthodiques, et ses yeux aux lourdes paupières et au regard alangui lui donnaient l'apparence d'un homme à demi endormi ou aveuglé par un excès de lumière. Cependant, rien n'échappait à ces yeux-là, habitués à tout voir par un entraînement de plus de 20 ans dans l'enclos de boxe. Ces yeux-là ne clignaient ni ne vacillaient en voyant arriver un coup, mais regardaient tranquillement en mesurant la distance. Pendant la minute de repos qui suivit cette première prise, assis dans son coin de la plateforme, les jambes écartées, les bras reposant à angle droit sur les cordes, il soulevait franchement et abaissait profondément le ventre et la poitrine pour engouffrer l'air que chassaient les seconds agitant des serviettes. Il écoutait, les yeux fermés, les cris de la salle. « Pourquoi ne te bats-tu pas, Tom ? Tu as la frousse du petit, hein ? » criait-on de ci, de là. Et il entendit ce commentaire d'un spectateur au premier rang. « Il a les muscles noués, ne peut pas remuer plus vite. 2-1, sur Sandel, en livre sterling. » Le gong résonna et les deux hommes quittèrent leurs encoignures. Dans son ardeur à recommencer, Sandel parcourut bien les 3/4 de la plateforme, tandis que King se contentait de parcourir la distance minimum, d'accord avec sa tactique d'économie. Insuffisamment entraîné, n'ayant pas mangé à sa faim, il épargnait le moindre pas. De surcroît, il avait déjà couvert 2 kilomètres pour atteindre le champ de bataille. Cette reprise fut une répétition de la précédente. Sandel s'emportant dans une attaque brusquée et le public demandant avec indignation pourquoi Tom King ne se battait pas. À part des feintes et quelques coups lents et inefficaces, il ne fit que parer, se maintenir en place et se coller dans un corps à corps. Sandel voulait accélérer l'allure et King, par prudence, l'en empêchait. Le vétéran souriait avec une sorte de souci pathétique et ménageait sa force avec une jalousie dont est seule capable la maturité. Sandel représentait la jeunesse et gaspillait ses forces avec la magnifique prodigalité de son âge. King dirigeait l'assaut en chef consommé avec la sagesse acquise au prix de longues et cruelles mêlées. Il observait tout, la tête et les yeux froids, avec des mouvements lents, attendant que Sandel eût jeté sa courbe. Pour la majorité des spectateurs, King n'était pas de force, et ils exprimaient leur opinion en offrant 3-1 sur Sandel. Mais un petit nombre de sages, qui connaissaient King de longue date, acceptaient le pari, qu'ils considéraient comme gagné d'avance. Pistol shots ring out in a barroom night. To Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities gave to blame for something that he never done. Put in a prison cell but one time. He could have been the champion of the world. C'était Une tranche de beefsteak de Jack London, première partie, avec Bernard-Pierre Donadieu, Jacques Bosque et Myrène Astré, réalisation Jean Couturier. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en avril 1997. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't wanna have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver.